13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Il s'agit certainement de l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire contemporaine, Harry Robinson. Mais peut-être n'était-ce pas son nom. Révolutionnaire professionnel et espion résistant, Robinson a joué incontestablement un rôle considérable avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui encore, on ne connaît pas les limites de son action et en particulier on ignore la nature de ses relations avec par exemple Jean Moulin. Un chercheur français, Guillaume Bourgeois, a pu même écrire récemment dans la revue Historia, Harry était un homme dont on ne savait pas exactement ce qu'il pensait et quoi penser de lui. C'était un fantôme. Il ajoute, Henri Robinson, dit Harry, fut sans doute le plus efficace des maîtres-agents de renseignement de Staline et mourut en héros à Berlin, vraisemblablement sous la hache des bourreaux nazis. Tel était donc l'homme dont M. X a choisi de me parler cette semaine. Mais pourquoi lui? Mon interlocuteur me l'a affirmé d'emblée, il n'a pas connu Robinson. Mais l'appartenance de celui-ci à un réseau soviétique proche du fameux Orchestre Rouge a fait que longtemps après la guerre, les services spéciaux ont continué de s'intéresser à lui et aux agents qu'il avait recrutés. C'est ainsi, en fouillant les archives, en recoupant les témoignages des uns et des autres, que M. X a peu à peu percé les secrets d'Harry Robinson. Avant d'y venir, quelques informations biographiques sur ce mystérieux personnage. Il serait né en 1897 à Bruxelles. Ses parents, des juifs polonais ou lituaniens, auraient transformé leur nom, Robinson, en Robinson, à l'occasion de leur mariage à Londres. Harry, ou Henri, passe une grande partie de sa jeunesse à Berlin, où il combat aux côtés des spartakistes, lors des événements révolutionnaires de 1919. Plus tard, dans la Roure, déjà membre de l'Internationale communiste des jeunes, il anime la lutte contre l'occupation française. On le retrouve ensuite à Moscou, où Lénine en personne remarque que ce jeune révolutionnaire intelligent et polyglotte. Très vite, Robinson, qui vit alors avec une communiste allemande, Clara Chabel, est recruté par les services spéciaux, plus précisément par le GRU, le service de renseignement de l'armée rouge. C'est à ce titre qu'il se fixe en France dès le début des années 30. Résident du GRU, il y monte plusieurs réseaux. À l'aise dans tous les milieux, élégant, brillant, Robinson est un agent efficace. Ses activités couvrent bientôt une grande partie de l'Europe de l'Ouest. C'est ainsi que, grâce à une taupe infiltrée au cœur de l'état-major allemand, il sera en mesure, en 1941, d'avertir Moscou de l'imminence de l'attaque allemande. Mais Staline, on le sait, n'y croira pas comme il ne croira pas aux avertissements lancés depuis le Japon par un autre espion célèbre, Richard Sorg. En 1942, Robinson pourra aussi transmettre à l'armée rouge les détails de la stratégie ennemie, des informations essentielles qui permettront aux soviétiques de remporter leur première victoire. L'historien que j'ai déjà cité, Guillaume Bourgeois, écrit encore « Le professionnalisme de Robinson était tel qu'il ne fut jamais repéré et qu'il réussit, après son arrestation, à passer pour un petit poisson. » France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les grands espions sont ceux dont on ne parle pas. Et de ce point de vue, la carrière de Robinson est assez impressionnante. On sait quand même quelques petites choses. C'est vrai. Mais aujourd'hui encore, on a du mal à prendre la mesure de sa véritable activité, tant il s'est débrouillé pour passer inaperçu. Mmh. Donc à votre avis, il reste beaucoup de zones d'ombre. Énorme. Par exemple, on est à peu près sûr que c'est lui qui a recruté les espions qui seront identifiés longtemps après la guerre, comme Pack, que j'ai déjà évoqué à propos de l'affaire Passy, et surtout la Barthe, dont nous allons reparler. Mais nous n'avons aucune preuve. Tenez, nous ne savons même pas si Robinson était son vrai nom. À expliquer, hein. On l'appelle aujourd'hui ainsi parce que Robinson était le nom qui figurait sur son passeport lorsqu'il a été arrêté. Mais Harry a utilisé bien d'autres identités, et il disposait d'un important jeu de faux papiers parfaitement fabriqué. Alors, cette identité de Robinson avait peut-être été empruntée à un vrai Robinson, ce qui est un procédé classique en matière d'espionnage. D'accord, mais On peut quand même cerner un peu plus précisément son travail d'espion. Il est à peu près certain que Robinson était au centre d'une gigantesque toile d'araignée. Il centralisait des renseignements qui lui parvenaient de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique. Et bien entendu de France. Mais comment le sait-on, ça? À cause de ses voyages. Quand les Allemands l'ont arrêté, ils ont trouvé ses faux passeports. Ils ont donc pu reconstituer ses déplacements. D'autre part, après la guerre, vous le savez, les Américains ont réussi à décoder un grand nombre de messages envoyés par les agents soviétiques à leur centre. Ça, c'était l'opération Venona, hein, si je me souviens bien. Vous avez une excellente mémoire. Oui, merci. Ces messages radio avaient été enregistrés pendant la guerre et conservés. Mais ils n'avaient pu être déchiffrés. Quand le code a été enfin cassé, on s'est rendu compte de l'importance de la pénétration soviétique en Occident. Et on a un peu mieux compris le rôle joué par Robinson. Un peu mieux seulement. Oui. Je vous donne un seul exemple. Robinson devait contrôler les espions de Cambridge. Un Philby et les autres. Exactement. Mais Robinson avait constitué au moins deux autres réseaux en Grande-Bretagne, surtout composés d'espions agissant dans les domaines militaires et aéronautiques. L'un de ces réseaux a été découvert et ses membres identifiés. Mais le deuxième n'a jamais pu être percé. Et les contre-espions anglais n'ont pas réussi à savoir qui se cachait derrière les pseudonymes des agents soviétiques utilisés par Robinson. Donc, beaucoup de secrets demeurent. Absolument. J'ajoute que la plupart des agents de Robinson en France même n'ont pas été identifiés, malgré les efforts produits par la DST après la guerre. Mais comment expliquer l'importance de son travail d'espion? Robinson, que je regrette de n'avoir pas connu, devait être un type excessivement habile et surtout très convaincant. C'est-à-dire? Je crois que Robinson a recruté essentiellement sur la base de l'antifascisme. C'est en utilisant cet argument qu'il a réussi à obtenir la collaboration d'hommes et de femmes qui n'étaient nullement communistes. Et à votre avis, ces gens qui travaillaient pour lui, hein, savaient qu'en réalité, ils espionnaient pour le seul profit de l'URSS? Non, pas forcément. Ils étaient au service d'une cause, l'antifascisme. Et lorsque la guerre est survenue, ils ont encore eu moins de scrupules. L'URSS se trouvait désormais dans le bon camp. Ouais, il y a quand même eu le pacte germano-soviétique. Vous avez raison. Et pour Robinson, comme pour beaucoup d'autres communistes, ça a dû être un vrai coup de massue. Mais l'essentiel de ces réseaux était déjà constitué et opérationnel. Et vous savez bien qu'une fois qu'un agent a été recruté, il ne peut plus faire défaut. Il a les mains liées. Il me faut aussi dire que certains de ces types ont été des résistants authentiques et courageux. Des gens qui avaient donc choisi sciemment leur camp. Oui. Ouais. Et malgré le mystère qui entoure le personnage, est-ce qu'on a pourtant une idée de l'efficacité des réseaux Robinson? Tout à fait, grâce aux papiers retrouvés par la Gestapo, mais aussi à l'ouverture partielle de certaines archives soviétiques. On a eu connaissance des télégrammes que Robinson envoyait à Moscou, via l'ambassade du RSS à Paris, en tout cas jusqu'à l'agression allemande, puisqu'après juin 1941, l'ambassade a fermé. La masse des renseignements envoyés au centre du GRU, le GRU, est assez ahurissante. Et vous avez des exemples? Robinson est capable de donner des informations précises et chiffrées sur l'industrie française, et en particulier, bien sûr, l'industrie militaire. Il dispose d'agents dans les chantiers navals, les ports, l'armée. Il est aussi parfaitement renseigné sur certaines opérations financières. Enfin, il a des informateurs sûrs dans les milieux politiques français et jusque dans la sphère des Français libres à Londres. Ça, j'imagine que c'est grâce à Labarthe. Bien évidemment. Ouais. André Labarthe, scientifique de renom, arrive à Londres en juin 40. Ouais, donc parmi les tout premiers. Oui, et très vite, le général de Gaulle le nomme directeur des armements et des recherches scientifiques. À l'époque, c'est un poste plus honorifique que réel. Oui, parce qu'ils ne sont qu'une poignée à Londres. Mais il n'empêche que Labarthe fait désormais partie du Cénacle. Malheureusement, le personnage est plutôt instable et remuant, et il finit par lasser de Gaulle. Qui s'en sépare. Exactement. Mais Labarthe reste à Londres et continue à fréquenter le petit monde de la France libre. Il édite une revue, fait des émissions à la BBC, bref, c'est un homme qui compte. Et selon vous, c'est donc un agent de Robinson? Oui, j'ajoute qu'il n'est pas le seul à Londres. Oui, mais comment peut-il correspondre avec Robinson, qui lui est resté en France occupée, hein? Il ne correspond plus avec lui, mais avec les agents du GRU en poste à Londres. Et des diplomates? Bien entendu. Revenons en France, justement. Après le départ des soviétiques en 1941, comment Robinson procède-t-il pour communiquer avec Moscou? Par radio, et grâce à un homme dont vous connaissez forcément le nom. Léopold Trepper. Le chef de l'orchestre rouge. Oui, celui que les Allemands ont appelé le grand chef. Trepper dispose d'un émetteur à Bruxelles et Moscou lui a donné l'ordre de mettre ce poste de radio au service de Robinson. Les deux clandestins se rencontrent donc, mais se connaissaient-ils? Non, même s'ils travaillaient tous les deux pour le GRU, le nécessaire cloisonnement imposait qu'ils ignorent tous les deux l'existence de l'autre. Et comment, d'après ce qu'on peut savoir, comment se passe cette rencontre? Nous ne le savons que par le récit de Trepper. Il l'a raconté plus tard dans un livre de mémoire. Ah, et que dit-il? C'est assez curieux. Trepper affirme que Robinson, dégoûté par les liquidations de la fin des années 30, a alors rompu avec Moscou. Les liquidations des premiers bolcheviques. Oui, hein. Et tous les types du Comintern, dont beaucoup de juifs qui avaient souvent combattu en Espagne et qui ont été rappelés à Moscou pour être liquidés par Staline. Le chef même de Robinson, le fameux général Berzin, a lui aussi été exécuté. Et il faut bien dire que cette gigantesque purge a été fatale au système de renseignement soviétique. Et que la chute un peu trop rapide des différents réseaux de l'Orchestre Rouge est imputable à cette liquidation. Et Robinson, il était d'origine juive lui aussi, et si je puis dire, il avait le profil pour passer à la trappe. Hein. Eh bien non, sans doute rendait-il trop de services. Alors reprenons la version de Trepper. Donc Robinson a rompu avec le centre, et s'il accepte quand même de reprendre du service, c'est uniquement parce que Trepper lui dit qu'en temps de guerre, il n'a pas le droit de se dérober. Et vous pensez que cette version est fausse? Assurément. Robinson n'a jamais cessé de travailler pour Moscou. Alors pourquoi ce mensonge de Trepper? Là, j'avoue que je ne sais pas. Trepper a-t-il voulu se donner le beau rôle? Ou a-t-il voulu justifier son action a posteriori? Peut-être. En tout cas, c'est à cette rencontre entre deux espions qui ne se connaissaient pas que Robinson devra plus tard son arrestation, et donc sa mort. Thierry Volton a consacré à Henri Robinson un livre paru chez Grasset, Le Grand Recrutement. Il y publie une note de l'Abwehr, le service de contre-espionnage dirigé par l'amiral Canaris. Note écrite après l'arrestation de l'espion. J'en extrais ce paragraphe significatif. Moscou avait demandé au grand chef, il s'agit donc de Trepper, de rester en contact étroit avec Harry, étant donné que celui-ci entretenait, de par son long séjour à Paris, de bonnes relations avec les milieux économiques français, avec le PCF et les milieux gaullistes. Harry était très au courant de presque toutes les questions touchant la vie politique et publique française. Ses relations avec le deuxième bureau français et avec le gouvernement de Vichy doivent passer sans doute par le canal des milieux gaullistes. Harry entretenait aussi régulièrement des liaisons avec la Suisse. Plus loin, l'officier qui a rédigé cette note ajoute « D'autres détails sur les relations de Harry ne nous sont connus à l'heure actuelle que par bribes. Harry n'est pas enclin à parler et ne reconnaît que ce qu'il est obligé de reconnaître et que nous avons découvert nous-mêmes au cours de notre enquête. L'importance de l'espion Robinson semble donc attesté par ses adversaires même. Quand vous dites que Robinson doit son arrestation à sa rencontre avec Trepper, sous-entendez-vous que ce dernier l'a trahi? Attendez, l'affaire est suffisamment mystérieuse pour ne pas en plus brûler les étapes. Bon, alors je vous écoute. Parlons d'abord de Trepper. Attendez, pardonnez-moi une parenthèse personnelle. Il se trouve que je l'ai connu. Quand? À la fin des années 60, à Varsovie, il avait été libéré après avoir passé plusieurs années dans une prison soviétique, comme vous le savez. Mais la Pologne était alors gagnée par une violente campagne antisémite et Trepper et sa famille vivaient alors comme des reclus ou des pestiférés auxquels il était interdit de rendre visite. Et vous l'avez vu? Oui, mais clandestinement, grâce au tuyau que m'a donné Gilles Perrault, vous savez, l'auteur de l'Orchestre Rouge. Mais si je vous dis cela, c'est que Léopold Trepper m'a fait une forte impression. Hein. Positive? Tout à fait. Et je vais être franc, je n'imagine pas un seul instant que ce bonhomme ait pu être un traître. Vous l'avez donc prévenu. Alors, si vous avez connu Trepper, vous connaissez à peu près son histoire? En partie, oui. Trepper, bolchevique de la première heure, juif polonais, et membre des services spéciaux, est envoyé en mission à Bruxelles peu avant la guerre. Là, avec l'aide de plusieurs agents soviétiques et de militants communistes, plus ou moins clandestins, qu'il a connus autrefois en Palestine, il crée une série de sociétés. Des sociétés bidons. Non. Ces sociétés qui dissimulent des officines d'espionnage doivent aussi gagner de l'argent. Ainsi, le réseau est autofinancé sans que Moscou ait à mettre la main au portefeuille. Oui, mais il me semble justement me souvenir que certaines de ces sociétés commerceront avec les Allemands. Hein. Oui, surtout avec l'organisation TOD, qui va être chargée de la construction du mur de l'Atlantique. Ce qui permet également à Trepper et à ses hommes de rassembler des renseignements capitaux à l'occasion de ces opérations commerciales. Lorsque la guerre éclate, Trepper monte une nouvelle filiale à Paris, où il va désormais s'installer. Au fait, rafraîchissez-moi la mémoire, là. Pourquoi ce nom, Orchestre Rouge? Et Rote Kapelle, en allemand. Parce que ce sont les nazis qui ont ainsi appelé les réseaux soviétiques en Europe. À cause des pianistes, c'est-à-dire les opérateurs radio qui envoyaient les informations recueillies vers Moscou. Il y avait donc plusieurs réseaux? Oui. En France, bien sûr, mais aussi en Belgique, en Hollande, en Allemagne et en Suisse. Mais ils auraient dû rester indépendants les uns des autres. Seulement, la désorganisation provoquée à la fois par la liquidation des cadres par Staline et l'imprévoyance du Kremlin, qui ne croyait pas à l'imminence d'une attaque allemande, ont fait que tous ces réseaux qui manquaient cruellement de matériel ont été obligés de s'entraider et de collaborer. Pour les transmissions radio, j'imagine. En particulier. Et c'est cela qui a provoqué leur chute. À partir du moment où l'un était découvert, les autres étaient condamnés à terme. Ils tomberaient comme des dominos. À l'exception, bien sûr, du réseau suisse qui opérait en terrain neutre. Et revenons à Trépper et à Romasson, bien sûr. Est-ce que leur collaboration s'arrête à cette utilisation commune d'un poste émetteur ? Non. Et là, nous touchons à un des aspects les plus mystérieux de cette affaire. Ah, racontez. Robinson, je vous l'ai dit, était très introduit dans les milieux politiques français, de droite comme de gauche d'ailleurs. Et nous savons aujourd'hui qu'il était en particulier en relation avec Jean Moulin. Donc avant que Moulin ne devienne le délégué du général de Gaulle en France, et donc le chef de la résistance unifiée. Oui. Et comment l'aurait-il connu ? Moulin, avant-guerre, avait été directeur de cabinet du ministre Pierre Cotte. Un ministre très proche des communistes. Un compagnon de route, comme on disait autrefois. Et un homme qu'on a accusé plus tard d'avoir été un agent soviétique, c'est bien ça. C'est exact. Et votre avis, Que Pierre Cotte était proche des Russes, c'est certain. En faire un véritable agent, ça me semble quand même très exagéré. Alors un agent d'influence ? Peut-être. Mais je suis certain que Cotte était un homme sincère, qui avait des convictions. Un point, c'est tout. Je vais même vous dire autre chose. Derrière ces accusations, je devine la volonté de salir la mémoire de Jean Moulin. Ouais, en raison de ses liens avec Pierre Cotte. Naturellement. Des liens qui étaient non seulement politiques, mais amicaux. Alors on fait l'amalgame. Pierre Cotte est un crypto-communiste, Jean Moulin l'est donc aussi. Mais Moulin a quand même eu des rapports avec Robinson. Agent numéro un des soviétiques en France. C'est juste. Et il ne s'en est jamais caché puisqu'il a averti Londres. J'étais bien placé pour le savoir, qu'il avait le contact avec les services secrets russes. Je vais me faire l'avocat du diable quand même. Il aurait pu faire cet aveu pour se couvrir, pour désamorcer toute tentative de l'accuser. Non. Et vous allez voir que ces contacts vont être très utiles. Dans le courant de l'année 1942 à Londres, dans l'entourage du général de Gaulle, on prend conscience de l'importance de la résistance communiste. Rompu avec la clandestinité, le Parti communiste français, libéré par l'entrée en guerre de l'URSS, se lance à fond dans l'action. Et donc il convient de l'approcher ? Oui, pour l'associer aux autres mouvements de résistance et fédérer la lutte sur le sol français. Et c'est Jean Moulin qui est chargé de cette tâche. Et ce n'est pas évident. Les communistes se sont si bien enfoncés dans la clandestinité qu'ils sont injoignables. Et le délégué du général est bien embarrassé. Ce qui, entre parenthèses, fait justice des accusations contre Jean Moulin. S'il avait été communiste ou même crypto-communiste, il n'aurait eu aucune difficulté à joindre un responsable du parti. Oui, ça me semble logique, ça. Mais... Donc il pense à Robinson, qu'il a connu. Jean Moulin se dit que cet agent soviétique pourra peut-être lui organiser un contact avec la direction clandestine du Parti communiste français. Et c'est ce qui se passe ? Oui. Et Robinson, à son tour, fait appel à Trépper, qui est le seul à entretenir des rapports avec le PCF. À quel niveau ? Son contact est un certain Michel. Qui a-t-il en réalité Il est probable qu'il s'agissait de Jean Jérôme, un des personnages les plus mystérieux et les plus controversés du parti. Les plus controversés, oui. Pour quelle raison? Cet homme tout-puissant qui a longtemps contrôlé les finances du parti n'est pourtant jamais apparu dans l'organigramme communiste. Un peu comme Eugène Fried. Oui, et comme Fried, avant-guerre, c'est à l'évidence l'œil de Moscou à l'intérieur du Parti communiste français. Autre chose, cette éminence grise qui était en relation avec le célèbre Joanovici. Joanovici, le chiffonnier milliardaire et collabo dont vous m'avez dit un jour qu'il était en réalité un agent soviétique. Oui, aussi, oui. Donc cette éminence grise est arrêtée par la Gestapo au milieu de 1943. Juif, responsable haut placé du Parti communiste, agent soviétique, il peut craindre le pire. Or, non seulement il ne subit pas de sévices, mais on se contente de l'incarcérer dans une prison française jusqu'à la libération. Alors vous avez une explication ? Non, c'est ce qui me gêne d'ailleurs, parce que toutes les hypothèses sont envisageables, y compris les pires. Quels étaient exactement les rapports entre Henri Robinson, dit Harry, et le fédérateur de la résistance, Jean Moulin ? Voici ce que déclare Léopold Trépper lors de l'un de ses interrogatoires à Moscou après-guerre. Harry obtenait des informations de grande valeur de la part de Moulin, ancien secrétaire au ministère français de l'air dirigé par Pierre Cotte. Moulin a-t-il été recruté comme agent de renseignement par Harry ? Je pourrais difficilement le préciser, mais je sais qu'ils se rencontraient souvent et que Harry obtenait des informations de lui. Mais on peut légitimement se demander si, au cours de ses contacts, Jean Moulin n'en profitait pas lui aussi pour obtenir des renseignements. Et puis n'oublions pas qu'à l'époque où ces rencontres avaient lieu, l'URSS était devenue une alliée. Et ce mystérieux Jean Jérôme dont nous a parlé M. X et qui aurait été le contact de Trépper au sein du PCF clandestin. Je me suis reporté à la notice biographique que lui consacre l'historien Philippe Robrieux dans son Histoire intérieure du Parti communiste. Robrieux relève plusieurs étranges erreurs dans l'ouvrage autobiographique que Jérôme a publié dans les années 80. S'interrogeant sur la curieuse protection dont a bénéficié le dirigeant communiste après son arrestation, il souligne que Jean Jérôme affirme avoir été arrêté après la chute du groupe Manoukian, un groupe qu'il contrôlait comme il contrôlait toutes les activités de la MOI, c'est-à-dire la main-d'œuvre immigrée, la section étrangère des FTP. Or, Jérôme a été appréhendé par la Gestapo 6 mois avant les résistants du groupe Manoukian, un groupe qui d'ailleurs a sans doute été trahi. Alors, pourquoi ce mensonge et surtout, pourquoi Jean Jérôme n'a-t-il pas subi le sort de Manoukian et de ses camarades, torturés par les nazis avant d'être fusillés? Alors, est-ce que le contact s'est fait entre Londres et les responsables du Parti communiste français clandestin? Oui. Donc, grâce à Robinson, Trepper et ce Michel, qui ne serait autre que Jean Jérôme, hein? Tout à fait. Ainsi qu'un important dirigeant du PCF, Fernand Grenier, a pu gagner Londres. Mmh. En parlant de Jean Jérôme, là, vous m'avez laissé entendre que toutes les hypothèses étaient envisageables, même les pires. C'est juste, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ce que je voulais simplement mettre en évidence, c'est que Trepper et Jérôme se connaissaient très bien et se voyaient souvent. Oui, ça j'ai compris, mais où voulez-vous en venir alors? Les nazis ont très vite appris l'existence des réseaux de l'Orchestre Rouge. Comment? Très simplement, en interceptant des communications radio destinées à Moscou. Oui, mais j'imagine que ces communications étaient codées. Naturellement. Donc cette interception était sans grand intérêt. Détrompez-vous. Ce qui importait, c'était que ces communications existent. À partir de là, les Allemands pouvaient essayer de localiser le ou les postes émetteurs. Vous savez sans doute qu'ils avaient mis au point des véhicules chargés de repérer les émissions radio. Goniométriques. Hein. Oui. Et en décembre 1941, c'est la catastrophe. Le premier poste émetteur est découvert. Où? À Bruxelles. C'est donc un poste contrôlé par Trepper. Oui, et plusieurs arrestations sont opérées. Et comment réagit le grand chef? Prudemment. Il décide de désactiver l'Orchestre Rouge belge et ne quitte plus Paris. Mais à Moscou, le centre voit les choses d'une autre façon. Un nouveau responsable de réseau est nommé. On le charge de récupérer les survivants. Malheureusement, ce type est presque aussitôt arrêté. Deuxième catastrophe, à cause de cette arrestation, la Gestapo met la main sur l'ensemble du réseau. Et ce personnage a donc parlé. À l'évidence, oui. Et la troisième catastrophe ne va pas tarder. Grâce aux papiers retrouvés, aux aveux sous la torture des pianistes arrêtés, les hommes de la Gestapo parviennent à casser le code soviétique. Et bientôt, c'est le réseau allemand, installé à Berlin même, qui va tomber à la fin de l'été 42. Tous ses membres vont finir sous l'âge du bourreau. Et Trepper et Robinson? Ils sont condamnés à terme, à moins de disparaître et de renoncer à toute activité, mais ce n'est pas leur genre. Oui, ça. Alors comment ça se passe? Au début novembre, un certain Kent, que les Allemands vont appeler le petit chef, est arrêté à Marseille. 15 jours plus tard, à Paris, le siège de la société de Trepper est investi par la Gestapo. L'état-major du réseau tombe, à l'exception de Trepper. Encore une semaine, et celui-ci est arrêté à son tour. La machination va pouvoir commencer. Mais quelle machination? Celle qui est restée dans l'histoire sous le nom du grand jeu, c'est-à-dire le Funkspiel. Oui, le retournement, oui. C'est ça. Hein. Les Allemands ne se contentent pas d'avoir mis hors d'état de nuire le réseau de l'Orchestre Rouge, ils vont s'en servir pour intoxiquer Moscou. Mais grâce au poste émetteur. Exactement. Mais quel est l'objectif réel des nazis, là? Il est double, et très subtil. D'une part, ils vont essayer de faire croire à Staline que ses alliés anglo-saxons, par peur du communiste, n'attendent qu'une occasion pour le trahir et signer une paix séparée avec Berlin. Par conséquent, ils suggèrent à Staline d'entamer avec eux des négociations afin d'aboutir justement à une paix séparée. Mais pour doubler les anglo-saxons en somme. Très juste. D'autre part, ils vont faire en sorte que ceux-ci soient informés de ces supposées négociations. Et par quel canal? C'est là qu'ils vont faire preuve d'un machiavélisme extraordinaire. Trepper, ils l'ont appris, est en relation avec un autre chef de réseau qui a le contact avec Londres via le mystérieux Rex ou Max, c'est-à-dire Jean Moulin. Et cet homme, c'est Henri Robinson. Bien sûr. Les Allemands vont donc se débrouiller pour que Robinson soit informé par Trepper de l'existence d'une négociation visant à aboutir à une paix séparée entre Moscou et Berlin. Oui, mais d'après ce que vous m'avez dit, Trepper, à cette époque-là, est arrêté. Hein. Arrêté, d'accord, mais pas forcément incarcéré en permanence. En fait, il est sous contrôle. On lui permet donc d'avoir un contact indirect avec Robinson. Celui-ci, persuadé que cette histoire de paix séparée était un bluff des nazis, aurait réagi avec violence. Pas question pour lui de marcher dans cette histoire. À partir de cet instant, son arrestation devenait inévitable. Et c'est ce qui va se passer à la fin de l'année. Donc il a bien été trahi par Trepper, d'après ce que... Je vais vous répondre franchement. Le doute subsiste. Parce que Trepper était physiquement présent lorsque Robinson a été appréhendé par les Allemands. Physiquement présent? Oui. Il se trouvait dans une voiture de la Gestapo. Pour quelle raison? Je ne le sais pas. Les Allemands voulaient-ils que Trepper les aide à identifier Robinson, qu'ils ne connaissaient pas? C'est possible. En fait, je pense que le grand chef, assez cyniquement, avait décidé de laisser tomber Robinson. Il n'est d'ailleurs pas le seul agent qui l'ait donné. Ah, donc il s'agit bien de trahison, alors? Non. Trepper avait besoin d'inspirer confiance aux Allemands. Parce qu'il faisait semblant de jouer le grand jeu du Funkspiel. En fait, il avait réussi à avertir Moscou que son réseau avait été retourné. Et comment avait-il pu faire, hein? Peut-être en truffant d'erreurs ses messages à Moscou, mais il ne s'agit que d'une hypothèse. Mmh. Et le nommé, là, Michel, qui était sans doute Jean-Jérôme, quel rôle a-t-il joué dans cette histoire? Les Allemands savaient que c'était le contact de Trepper avec le Parti communiste clandestin. S'ils voulaient que leur opération d'intoxication des Alliés soit crédible, il fallait qu'ils restent en liberté. Afin de pouvoir lui transmettre des informations via Trepper. Hein. Naturellement. Mmh. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il a bénéficié d'une réelle mansuétude. Mais il faut noter que son arrestation coïncide à peu près avec l'évasion de Trepper pendant l'été 43. Une coïncidence qui ne me semble pas innocente, puisqu'avec la disparition de Trepper, le Funkspiel était mort. Que penser? Dans leur livre consacré à l'histoire de l'espionnage mondial, publié aux éditions du Félin, Genofa Étienne et Claude Moniquet évoquent la possibilité de cette manœuvre d'intoxication des Allemands dont a parlé M. X. Quant à Robinson, il semble établi qu'il n'ait jamais parlé malgré les tortures qu'on lui a infligées et donc qu'il n'a jamais trahi ses agents. Mais on ne connaît ni le lieu ni le jour de sa mort. Enfin, l'historien Guillaume Bourgeois, que j'ai déjà cité au début de cette émission, a écrit dans la revue L'Histoire que le dossier de l'Orchestre Rouge était trop lié aux défaillances de Moscou pendant la guerre, aux graves erreurs de Staline et à l'affolement de Beria pour jamais pouvoir refaire surface. Le drame des agents envoyés à l'étranger devient l'aventure sans intérêt de quelques juifs dans un climat de purge où beaucoup de responsables de services de renseignement sont déjà poursuivis pour leurs origines. Faut-il voir là l'origine de la trahison dont a certainement été victime le groupe Manoukian? Cela pose une nouvelle question sur le rôle réel de Jean Jérôme dans cette affaire. À samedi prochain.